Je vais vous présenter une longue entrevue avec l'auteur américain John Zerzan, qui sera traduit par Bernard Cooper de La Mauvaise Herbe. Alors, bonjour vous deux. Bonjour. Premièrement, est-ce que Bernard, tu pourrais nous dire pourquoi John Zerzan est à Montréal? Ok, donc c'est un peu dans le cadre du salon du livre anarchiste. Le groupe anarchiste vers La Mauvaise Herbe avait décidé qu'on allait être les hôtes de quelqu'un du milieu anarchiste, un théoricien, un écrivain, une personnalité, quelqu'un qui pourrait être intéressant à faire venir à Montréal. Donc John Zerzan, c'est un théoricien de l'anarcho-primitivisme, c'est une forme d'anarchisme vert anti-civilisationnel. Et puis, il est écrivain, il est auteur de 4 livres, Elements of Refusal, Future Primitive, Running on Emptiness, The Pathology of Civilization, Against Civilization, Readings and Reflections. Donc, 4 livres à date qu'il a publiés, qui traitent de sujets surtout d'un point de vue radical, anti-civilisationnel. C'est une critique de tout ce qui est de domination dans la civilisation. Évidemment, c'est des sujets chers aux anarchistes. Donc, c'est ça l'anarchisme vert aujourd'hui. C'est surtout de regarder à les grosses questions des sources, souvent des origines de la domination et de l'exploitation, avec toutes les choses que ça sous-entend, l'industrialisme, l'agriculture, la domestication. C'est ça, oui. Donc, il est avec nous. Il y a certains livres qui ont été traduits en français? Certains, oui. Futur Primitif a été traduit en français et édité par l'Insomniac. Et puis La Mauvaise Herbe aussi, on l'a en brochure, en forme brochure, un peu moins cher, et qu'on le diffuse à Montréal et ailleurs si les gens en demandent. Est-ce que tu peux nous dire dans quel cadre est-ce que La Mauvaise Herbe organise cette tournée? Dans quel cadre? C'est là il y a le salon du livre anarchiste qui va être fait ce week-end, samedi et dimanche. Alors, il y a aussi le festival de l'anarchisme qui est tout le mois de mai, la plupart dans le mois de mai. Ce jeudi, à l'UQAM, il y aura une conférence de John Zerzan pour lancer ses 3 conférences qu'il va donner. Ça, c'est jeudi soir, 19h, à 200 Sherbrooke West. Vendredi, il va aussi parler à Notre-Dame-de-Grâce, à la coop de la Maison Verte. Et dimanche, il donne un atelier au Salon du Livre à 10h le matin. Alors ça, c'est l'adresse là, pour le Salon du Livre, c'est sur Delisle, 2515 rue Delisle, c'est à 10h dimanche pour entendre un atelier avancé un peu sur, ce sera sur l'anthropologie, l'utilisation de l'anthropologie, la recherche anthropologique et archéologique dans l'anarcho-primitivisme. Alors c'est un peu plus avancé dans ces thèmes. Bon, d'abord, je vais vous expliquer que nous allons poser les questions en français, que tu vas traduire en anglais, et ensuite, il va y avoir les réponses en anglais, mais au niveau, le son va être plus bas, et puis tu vas traduire en français par-dessus, juste pour expliquer c'est quoi la situation, parce que ça n'arrive pas si souvent que ça qu'on fait ce genre d'entrevue en français à Radio Centre-Ville. Parfait. Alors, bonjour, M. Zerzan. Bonjour. Premièrement, je vous demanderais comment vous en êtes arrivé à l'anarchisme d'une manière générale. How did you come around to anarchism in a general fashion, in a general way? Well, I think my first part of that education involved being a union organizer. J'étais un organisateur syndical en Californie et j'ai découvert que l'institution du travail organisé sont très répressifs. Et c'était comme ça qu'il a commencé à questionner l'autoritarisme et les autorités. Alors ça, c'était peut-être un des premiers exemples qui lui a amené à aller vers l'anarchisme. But what was your political background? Quel était votre background politique? Well, I come from the left in the 1960s. Je viens de la gauche. Dans les années 60, j'étais non seulement un organisateur syndical, j'étais un marxiste à cette époque. Et lentement, je suis devenu plus anarchiste, orienté vers l'anarchisme. Comment vous avez rompu avec le gauchisme? What was your rupture with leftism? How did that come about? A slow process. Ça s'est passé lentement. I've come reluctantly to a pretty anti-leftist position. Je suis venu avec une certaine reluctance, je sais pas, part of that vers un anti-gauchisme. Une partie de ça, c'était de regarder la question du syndicalisme et son histoire vers la question de l'industrialisme et la technologie. Et j'ai poursuivi ça. Et en regardant ça pose d'autres questions et ça situe la question de la domination à un niveau plus profond, que l'anarchisme classique l'a compris, la question. Avant d'en arriver à une critique générale de la civilisation et de ses problèmes, puis de la domination. At a criticism of, est-ce que tu peux répéter? Excuse-moi. Ouais, avant d'en arriver à la critique générale de la civilisation. Before arriving at a critique, general critique of civilization. Quel était le sentiment qui vous y a mené? What was the sentiment that led you to that? I think it was. Je pense que c'était. Myself among others began to. Moi et parmi d'autres, on se rendrait compte que la technologie n'est pas une chose neutre, qu'il y a des choix politiques et des valeurs politiques inhérentes dans n'importe quelle forme ou étape de technique. Et alors, ça retourne à le questionnement de la domestication. Un des plus grands changements dans l'histoire humaine, ce que Jared Diamond a appelé la plus grande erreur dans l'histoire humaine, c'est ce changement vers la domestication, l'agriculture, une orientation qui est basée sur le contrôle des ressources. Avant, c'était, de façon générale, c'était de vivre dans la nature et accepter ce que donne la nature plutôt que de contrôler ou d'extorsionner les choses de la nature. Il y a un changement très fondamental là. Comme anarchiste, je vois ça comme très fondamental de changement. Les anarchistes sont contre la domination et le contrôle. Si tu situes le problème à cette profondeur-là, l'orientation devient différente pour ce que ça veut dire, l'anarchisme. Il y a plusieurs conceptions historiques de comment est apparue la civilisation? There are several historical conceptions of how it came about. What is yours? I guess roughly speaking that je suppose que c'est surtout la division du travail et la spécialisation sont et une institution sociale la plus primaire, et ça établit ça ouvre à la domestication de l'agriculture. Après cette domestication, il y a la civilisation. Ça, c'est la valeur fondamentale de la civilisation. Mais quand est-ce que apparaît la civilisation? Parce que bon, il y a plusieurs échelles historiques sur lesquelles on pose l'arrivée de la civilisation. There are several historical like benchmarks that are used as to when civilization emerges. Well, as I said, comme je disais, c'est après la domestication. Après que ça vient, on commence à voir les civilisations, la civilisation, et en même temps, dans différentes parties du monde, à peu près il y a 9 ou 10 000 ans dans le passé, il y a la domestication, et après ça, on voit les manifestations de la civilisation très vite, des villes. And fully developed systems of agriculture. Et des systèmes d'agriculture complètement bien développés. Temples, armies, des temples, les armées, toutes les institutions de la civilisation. Mais certains vous critiquent parce que certain people criticize you because au lieu d'attaquer le capitalisme attacking capitalism or le patriarcat or patriarchy vous attaquez l'ensemble de la civilisation. You attack pourquoi? Civilization as a whole. Why? Well, I think you can find, you can actually see, for example, patriarchy. Je pense qu'on peut voir le patriarchisme, le patriarcat et la situation comme synonymes. Et si on questionne les institutions primaires comme la division du travail, la spécialisation, il me semble que aussitôt que l'individu commence à être divisé en rôle économique, on a une société divisée, une société de classe. Alors, ces choses-là vont beaucoup plus loin dans le passé que beaucoup de dans la gauche sont intéressés à regarder. Alors, je pense que peut-être c'est plus une question d'approfondir ou l'exploration de ces choses-là comme la société de classe ou le patriarcat parce qu'ils sont intimement liés à le processus de domestication. Comment vous entrevoyez l'anarchisme classique qui porte beaucoup sur la question de l'exploitation du prolétariat, sur cette critique particulière du capitalisme, cette critique du capitalisme qui est très largement inspirée par Marx, même Bakounine le reconnaissait. Well, it, eh bien, it takes for granted industrial, ça prend pour acquis l'industrialisme et industrial form of life, et la forme de vie, les modes de vie industriels, les villes, systems of technology. Les systèmes de technologie. That is questioned, but rien dans ça est questionné. We can't see it as the problem rather than the solution. Mais nous, on a tendance à le voir comme une partie du problème plutôt que la solution. Et eux, ils ont toujours une vision du 19e siècle de cela, pour ne pas dire que tout le monde dans le 19e siècle voyait ça de cette manière, mais c'était la façon dominante. En 2008, on est dans une crise totalisante dans toutes les sphères et l'anarchisme classique ne semble pas vraiment comprendre ce problème. Alors nos questions sont plus profondes ou elles sont différentes que l'anarchisme classique. On n'est pas au 19e siècle, on est en 2008 maintenant. Pourquoi la technologie dans son ensemble pour vous est aussi un problème qui non seulement doit être réformé mais aboli? Why are technologies in and of themselves viewed as things that have to be abolished rather than reformed? Well, if there are eh bien, s'il y a des valeurs ou des choix qui inhèrent dans les technologies eux-mêmes, ce n'est pas une question de comment ils sont utilisés, mais c'est qu'est-ce qu'elles sont plutôt. Et c'est très intéressant que même que Marx avait commencé ses travaux du début, c'était sur les questions de la production, de la technologie, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi sa nature, et plus tard, il est allé à être plus intéressé sur quelle classe sociale contrôle la technologie, les moyens de production, qui sont des questions très différentes. Seulement si tu penses que la technologie est neutre, là devient la question de qui l'utilise, qui la contrôle. Mais les problèmes d'aujourd'hui sont très liés à l'utilisation de la technologie. C'est pas le problème unique, mais c'est une grande partie du problème. On habite dans une technoculture qui est de plus en plus une question de ne plus être dans notre corps, d'être isolé, de la disparition complète de communautés, et c'est inséparable de la marche très rapide de la technologie, de l'envahissement de la technologie dans toutes les sphères de la vie. Mais vous faites quand même une différence entre technologie et outils. You make a distinction between technology and tools. Well, exactly. Exactement. To illustrate what I was pour illustrer before, ce que je disais avant, si on regarde tools, for example, à des outils simples, l'outillage, des outils qui impliquent très peu de division du travail, on peut voir que there, les valeurs ou les potentiels like ont equality, à voir avec l'égalité, face-to-face, les relations face à face, l'autonomie, gender equality, for l'égalité example, entre les genres, or contrasting that with systems of modern technology. Ou si on le contraste avec des systèmes de technologie moderne, c'est quasiment l'opposé. La dépendance sur les experts, la standardisation, l'inflexibilité, no face-to-face, pas de face-à-face contact de plus en plus. Alors on peut voir c'est quoi les valeurs dominantes dans la société en regardant à ces technologies. And there's this very, very basic shift going on. Et il y a ce changement très fondamental qui se passe à un taux de plus en plus rapide. Alors c'est le temps qu'on explore cette question-là. Can you have est-ce qu'on peut avoir une société of healthy de gens saines, de la vie saine, d'égalité, d'autonomie and retain et this kind of technology. Retenir ce genre de technologie? Je ne pense pas. Like we are now in the radio. Are you against radio? We're now in, okay, ciao. No, I have. Je vous demandais si on est dans une radio en ce moment, est-ce que vous êtes contre la radio? I have a weekly radio show that I do. Je fais une émission hebdomadaire à Eugene chaque semaine. Oui. And we do Green Anarchy magazine with computers. Et on fait Green Anarchy, la revue Green Anarchy avec des ordinateurs, vous savez. We are caught in all of these contradictions. Nous sommes dans ces contradictions. On est comme enchaîné, même l'hypocrisie, on pourrait dire. But we didn't choose. Mais on n'a pas choisi cette société. Mais on est là. We're trying to et on essaye contribuer. À contribuer doing something about à faire quelque chose de cette situation. Alors, il faut nécessairement utiliser les méthodes, les technologies courantes. Well, of course, using them to bien sûr, pour les utiliser pour sortir certaines critiques, certaines idées qui parlent de c'est quoi la nature de tout ça et où est-ce que ça nous amène. C'est d'ailleurs une critique qu'on vous fait souvent d'être en contradiction avec vos idées qui portent sur contre la civilisation, les primitivistes. You live you use a lot of technology. But that these things are used, yeah. I was in London a few years ago. J'étais à Londres il y a quelques années. Il y avait quelqu'un qui sautait en arrière. Il voulait savoir. Est-ce que tu es venu en nageant ici? Et je lui ai répondu bien sûr non, je suis pas venu en nageant. J'ai pris un avion polluant comme n'importe qui d'autre. Désolé. Ouais. Mais il cherchait une certaine consistance. Une certaine une cohérence que je n'ai pas. Ça nous semblait de nous enlever de fait de pouvoir faire une contribution si il fallait être conséquent avec notre message. C'est comme beaucoup de gens se demandent où vous habitez. Est-ce que vous habitez dans une ville? A lot of people ask, you know, do you live in a city? Well, I live in a small city. Oui, j'habite j'habite dans une petite ville. Et nous habitons tous dans une société. Société de masse, une société de production de masse. But here we are, mais ici, nous sommes ici. We need to confront this and, et il faut le confronter et commencer peut-être à comment le défaire. On abordera la question de comment le faire un petit peu plus tard, parce que bon, il y a une série d'autres questions sur les conditions de la vie actuelle que je veux poser avant. We'll deal with the question of how to go about trying to confront this, because there's a number of questions concerning quoi là. Les conditions de la vie, c'est-à-dire les conditions historiques dans lesquelles nous vivons. Historical conditions which we live that I want to that we'll want to bring up first. On pourrait aller du côté du langage parce que c'est quand même un des aspects très controversés de votre œuvre. Language, it is considered often one of the most controversial aspects of your work. Parce que vous opposez au langage. You are opposed, du moins selon les interprétations qu'on en fait. At least according to interpretations that are made of it. Well, you know, eh bien, vous savez, c'est très c'est des choses très spéculatives, en particulier concernant le langage. J'essayais de plus de faire une méditation sur qu'est-ce qui semble être la correspondance entre l'émergence du symbolique dans le langage et l'émergence de l'aliénation en société. Et il me semble, selon moi, que ce n'est pas une coïncidence. Et c'est la même chose avec l'art et d'autres choses, le concept du nombre et ainsi de suite. En d'autres mots, c'est une suggestion au moins de repenser peut-être ces choses, que peut-être un monde désaliéné n'aurait peut-être pas besoin de ces formes. Maybe it would, but peut-être qu'il aurait besoin de ces formes. But the different homo species lived, mais différentes espèces d'homo habitaient avec notre intelligence pour au moins 1 million d'années sans le symbolique, apparemment. Alors, et ça, c'était des sociétés sans classe et sans hiérarchie et ainsi de suite. Maybe there's something there worth exploring. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose là qui vaut la peine d'explorer. Aussi parce que la médiation aussi casse le rapport direct à la vie. Because mediation also breaks the direct relation with life. With life. Exactly. Yeah. Exactement. Mais en quoi ça la casse? In which way does it cause this rupture? Well, there's apparently or evidently a slow progression of. Évidemment, il y a comme une progression lente de aliénation qui commence. Starting with the condition of. Commençant avec la condition de aucune division du travail. And then very et après, très lentement, l'introduction de la spécialisation. That leads to gradations within society. Qui commence à devenir des dégradations dans la société, des tensions. Des rôles, et puis ça devient, je pense, comme l'anthropologiste nous dirait, une société complexe et divisée. Alors peut-être l'idéal est très peu de division ou aucune division du travail si on veut une société non aliénée. C'est complètement inconcevable maintenant parce qu'on est sur ce pas accélérant de la modernité, de la technologie, qui bien sûr va dans le sens complètement opposé. Mais c'est quoi le coût de cette direction-là? Est-ce que ce n'est pas le temps de questionner cela plutôt que de juste l'accepter comme naturel ou neutre ou sans problème? C'est extrêmement problématique. Mais qu'est-ce que vous pensez de la poésie dans ce cadre-là? Il y a des gens qui diraient, bon, ça exprime la beauté du langage et de la vie. What do you think then of poetry? That something that expresses the beauty of life. Some people would say it expresses the beauty of life. Et littérature en général. Literature as well. Oh yes, yes. Oui, bien sûr, j'apprécie ces choses-là. Art, music. L'art, musique, et ainsi de suite, c'est sûr. But are they not? Mais est-ce que, to some large degree, compensation pour ce serait, est-ce qu'ils ne sont pas comme des consolations ou des compensations pour des choses plus importantes qui ont été perdues? On apprécie ces choses-là, mais peut-être sont une substitution pauvre pour la vie où on n'aurait pas besoin de ça. Mais encore une fois, c'est très spéculatif comme question. Peut-être qu'ils seront toujours estimés beaucoup, mais peut-être que non. Oui. Dans certains textes que je lisais dernièrement à votre propos, concerning you, about yourself, on parlait de l'importance de Théodore Adorno dans votre pensée. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'Adorno dans le rapport qu'il a avec votre pensée? Can you talk a little bit about Adorno and vis-à-vis your thinking? Well, in that sense of literature and aesthetic. Je pense qu'il y a toute une critique de la domestication de la civilisation, en particulier dans dialectique de enlightenment. Enlightenment, c'est les lumières, la dialectique des lumières. Dialectique des lumières. Ouais. The domestication and civilization bring repressive forms of life. Que la domestication et la civilisation amènent des formes répressives de la vie. Of course, at the end of that text, bien sûr, à la fin de ce texte, c'est intéressant. Qu'il dit, bien sûr, si tu ne domines pas la nature, il n'y aura pas la société. Mais il disait, il était fidèle à ce qui se disait à l'époque. Mais dans la littérature de l'anthropologie et l'archéologie, on pense maintenant que ce n'est pas vrai et que c'était possible et ça se faisait pendant peut-être 2 millions d'années de vivre avec la nature, d'avoir la société sans dominer la nature. Bien sûr que c'est une société qui était des petits groupes très décentralisés de d'une centaine de personnes au moins. C'était des petites bandes. Et ça ne semble pas à être complètement impensable comme but pour certains d'entre nous. Peut-être c'est la seule façon d'avoir de la communauté. Si la communauté peut-être n'est pas face à face, ce n'est peut-être pas la communauté. Je pense qu'une chose qui est qu'on peut pas faire une erreur avec, c'est que le temps est une présence immatérielle très oppressive. Comment ça s'est passé? C'est très intéressant de tracer la matérialité du temps dans l'existence sociale. Et je dirais que en parlant de façon générale, la conscience du temps est une mesure exacte de l'aliénation. De plus en plus qu'on est colonisé par le temps, c'est une mesure très fondamentale de le problème de la société. Qu'est-ce que ça prendrait pour renverser ça, pour enlever cette présence oppressive de cette uniformité, de cette abstraction qui ont ces règles très strictes? On peut le lié à l'industrialisation et on peut aller même plus loin que ça. Les institutions oppressives qui ont créé cette dimension qui est maintenant tellement puissante. C'est une bonne façon, je pense, de regarder, d'explorer les profondeurs des problèmes qu'on fait face. C'est quoi les solutions libertaires qui touchent à cette question fondamentale du temps. Trop souvent, le temps est vu comme la technologie par certaines personnes, incluant des gens de la gauche. C'est pas un problème, on prend ça pour acquis. Mais comment est-ce qu'on peut prendre ça pour acquis si c'est une forme d'oppression? Ouais, tout à fait. Je pourrais peut-être en ajouter aussi sur la question. I could maybe ask you a question about it. One thing that comes to mind when we talk about time, une chose qui vient en tête quand on parle du temps, souvent, c'est dans un contexte souvent très urbain, d'être sous beaucoup de pression, que on va être très conscient du temps. It'll be often in an urban context that we're very much under pressure and we're very conscious of time and its oppressive nature. Donc moi, ce que j'ai remarqué personnellement, c'est que si on sort de ces contextes de ville, mettons pour aller en campagne, pour la récréation, en vacances, if we leave the city to go to the country, to go on vacation, recreation, often time becomes less important. Le temps devient moins important pour nous. On est conscient que le temps passe et puis on se rend même pas compte. We're aware that time goes by and we're not even aware of it going by. Et j'ai dit en blague souvent à des amis que moi, quand je suis en campagne, je délaisse ma montre pour un compas qui est beaucoup plus utile en forêt puis si on marche dans les montagnes. And I've said jokingly to friends that when I leave the city on bike to go to the countryside, a compass is a lot more useful than a watch for getting around and having a sense of where one is. So, removed from natural cycles. On est tellement enlevé des cycles naturels, des cycles de la Terre. Et comme tu disais, on peut voir l'artificiel de son imposition de temps. C'est ça. Le plus on est proche à la nature, on le voit de plus en plus, cette imposition du temps. Yeah, I would say that one of the things that in the development of the human animal, when he's growing up, quand l'humain devient, quand il grandit de l'enfance, c'est pas donné que le temps est quelque chose d'inné. It's not a given that time is an innate thing in the human. C'est très culturel, c'est très lié à l'apprentissage. It's very tied to the acculturation and the learning of a child as he grows up. I know just from seeing my son, Liam, when he was very small, the sense of yesterday, today, tomorrow, next week, hier, aujourd'hui, demain, dans une semaine. Quand mon fils il grandissait, ces idées-là n'étaient pas innées, et puis ça prend beaucoup de temps pour les enfants à faire cet apprentissage qu'il n'y a pas le moment même, that there isn't the moment of now all the time, you know, continuous being and happening in the same time. Et puis moi j'avais remarqué que ces choses-là sont très oppressives dans l'apprentissage parce que ça crée beaucoup de divisions. I find it's very oppressive in their learning. It creates a lot of division and confusion for them. It takes a long time for them to incorporate that in their consciousness. That's the introduction to modernity. Yeah. And school teaches people to obey the clock. Ça c'est l'introduction à la modernité, ça, et ça les oblige à obéir à la montre. And the further you get outside of complex society, le plus on sort des sociétés complexes, anthropologists say, comme les anthropologues vont montrer ou constater, on approche une situation d'un présent sans temps. And that must be a condition, et ça doit être une condition de la vie qui est tellement plus moins avec moins de contraintes, plus une situation de plus enchantée, mettons. Et ce serait sûrement une situation qu'on aimerait plus jouir de cette situation-là. Ouais. Dans les critiques aussi qui sont faites de votre œuvre, on attaque beaucoup l'idée que sans l'agriculture, nous ne pourrions survivre sur une large échelle de population. Right. C'est souvent appelé le désir des primitivistes d'avoir des milliards de personnes mourir. Comme si on parlait une espèce de switch de éteindre ou d'allumer quelque chose qu'on peut contrôler. C'est pas des choses qu'on est capable de faire. Of transition. Cela demanderait idéalement un processus de transition qui pourrait être poursuivi le plus vite possible, mais évidemment en n'espérant pas qu'il y aura des milliards de personnes qui vont mourir. Je pense que c'est peut-être irréaliste d'imaginer que ça pourrait arriver, mais l'idéal, ça serait de commencer à développer de l'autonomie, de considérer comment on est très vulnérable, les gens dans les villes, et ça fait partie de ce problème, tous ces gens dépendants des villes. On sait déjà que l'extinction de masse a déjà commencé. La vulnérabilité effroyante des gens dans la civilisation est très très claire. Alors je pense que nous, on est très très concernés par cette question d'extinction de masse. On n'est certainement pas en faveur de ça. Et il y a différentes sortes de vues sur ce genre de choses. Nous trois, on a différentes idées sur ces questions. Il n'y a pas de dogme central sur cette question. Mais moi, je dirais que j'espère que ce que Derek Jensen avait appelé un atterrissage en douceur. It seems likely for perhaps several reasons that there will be a crash. Je pense pour plusieurs raisons qu'il risque d'avoir un atterrissage moins en douceur ou une forme de rupture. So how do we prepare for that? Alors comment est-ce qu'on se prépare pour ça? Comment est-ce qu'on essaye de trouver des alternatives plutôt que de continuer comme on veut jusqu'à quand qu'il y aura une effroyable perte de vie, possiblement. C'est ça la réalité des systèmes écologiques qui sont en état de s'ébranler, l'huile, le pétrole qui est en train de disparaître. Maintenant, la question est... If one had asked très récemment, dans son opinion, dans mon opinion, est-ce que c'est possible que tout ce système pourrait s'effondrer? Il y a longtemps que cette question-là aurait été traitée comme très étrange comme question. Mais il me semble que maintenant, dans quelques années, la réponse à ça, la réponse à ça n'est pas si ça va arriver, mais quand ça va arriver? Les gens semblent avoir cette sensibilité, cette conscience, mais pas de manière de confronter ce problème-là. Alors on essaye d'introduire cette réalité avec certaines questions nécessaires qui feraient partie d'une solution possible. Et justement, quelles sont les solutions possibles? And what are exactly then the possible solutions? Well, cutting our dependency. Alors, de couper notre dépendance. Moving away from being absolutely dependent. D'aller vers une non-dépendance ou moins de dépendance sur ces formes de technologie, sur l'agriculture industrielle. On a more and more globalized. À une échelle globalisée du système du monde. That are taking us in the wrong direction. Toutes ces choses qui nous amènent dans une mauvaise direction de plus rapidement. Comment est-ce qu'on défait ces choses-là? Comment est-ce qu'on commence, par exemple, de démanteler ça et de le remplacer avec des approches qui est de santé, de vie? Ça, c'est des questions très difficiles à répondre. Heureusement, il y a des personnes qui essayent d'adresser ces questions-là en différentes façons, et pas juste en théorie. Des personnes sur la terre, par exemple, d'une manière très importante de comment est-ce qu'on se nourrit sur cette question-là, comment est-ce qu'on se nourrit et comment est-ce qu'on se nourrit de façon de moins domestiquée, les moyens de le faire avec l'agriculture, c'est-à-dire fragile or des moyens domestiqués, c'est-à-dire l'agriculture, qui sont de plus en plus fragiles. The more massified everything becomes, le plus les choses deviennent massifiées, incluant l'agriculture, the more tenuous it is, le plus ça devient ténueux et susceptible à des maladies. It's such an unhealthy direction. We have to, ils sont tellement dans une direction non saine qu'il faut les aborder de façon très concrète. To have some real meaning. Pour cette critique et cette vision d'avoir un sens réel. Mais est-ce que vous êtes en bout de ligne pour l'abolition de l'agriculture? Are you in the end in favor of the abolition of agriculture? In the end, yes, as a, je dirais comme fin, oui, je dirais que c'est un début de se débarrasser d'une forme très primaire de domination. And you can see the march of that. You can see. Et tu peux voir le progrès de cela, la marche de cela, cette logique. Domestication starts with agriculture. La domestication qui commence avec l'agriculture. And now it's also maintenant, c'est devenu du clonage. Technology. les nanotechnologies, genetic engineering, la génie, brave new world, tous ces braves, les meilleurs des mondes qui approfondit la nature très envahissante de cette domination de la nature. C'est quoi la direction de tout ça? Dans quelle direction ça va? C'est très négatif. Mais est-ce qu'on peut vraiment imaginer retourner à une étape de chasseurs-cueilleurs? A stage of hunter-gatherers. That would be ça serait very in the realm of an ultimate dans goal, le I domaine think. D'un but ultime. It's as unimaginable. C'est aussi now. Inimaginable maintenant. Well, it's very unimaginable because c'est très inimaginable à cause de la nature de la modernité et comment on se fait emporter de plus en plus loin de ce genre de monde, du face-à-face, de la vraie communauté, de toutes ces choses. Toutes ces choses sont inimaginables. Mais c'est quoi la vie donc sans ces choses-là? Ces choses sont interliées et ils sont liées avec un monde égalitaire et en santé. Et pas le monde où toute la texture et la signification et l'expérience directe deviennent de plus en plus évacuées à un niveau global. I would add also something concerning the question of feeding large numbers of people and the reproach that's made about die-offs and people dying because they couldn't be fed in large numbers. J'ajouterais aussi un commentaire sur la question de comment nourrir à grande échelle des gens et la question de les extinctions de masse qui, selon les critiques, seraient engendrées par une approche primitiviste. C'est que je pense que ce n'est pas une petite bande de penseurs ou de théoriciens ou d'agitateurs ou de gens qui font la promotion d'un retour à la terre, la permaculture et des formes de vie soutenables et autonomes qui sont supposés d'être responsables d'un désastre appréhendé qui est carrément la faute justement de cet industrialisme et ce capitalisme qu'on dénonce. Nous, on veut rien qu'avertir, écoutez, il y a un désastre appréhendé, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'avoir un atterrissage plus en douceur? Quelles sont les solutions, les alternatives? C'est certainement pas nous qui vont mettre un programme de on abolit l'agriculture et tout ça. Évidemment, Là, tu parles au nom de Bernard ou je pense au nom de beaucoup d'anarchistes. Depuis le début, on a interviewé John Zerzan, alors oui. Ce serait bien que tu te dises d'où tu parles. Je pense qu'on parle au nom de... Moi, je parle... Parce que je crois que, quand même, c'est logique qu'il y ait une critique de l'agriculture, puis que l'agriculture et la domestication vont ensemble au début de la civilisation. Je connais aucun anarchiste vert qui ont un programme en 5 étapes pour comment se rendre vers l'abolition de l'agriculture ou le langage, etc. C'est des critiques, c'est des pistes de pensée, de réflexion sur une praxis, bien entendu aussi. D'ailleurs, c'est toujours bien de le rappeler. Oui, c'est sûr. Mais c'est très important de le faire valoir parce que sinon le danger c'est que on va dans le gouffre et c'est pas nécessairement les choses les plus libertaires qui peuvent sortir de ce genre de chaos social, économique, écologique. On espère que l'animal humain aura un avenir comme d'autres animaux sur Terre. Et on espère que son avenir sera une relation plus saine et libertaire. Ouais, la question est-ce que l'animal humain peut survivre avec les autres animaux? Parce que depuis le début de son existence, il prouve que non. Il les tue. Ça, c'est pas vrai depuis son existence. Oui, mais l'humain a réussi à vivre avec d'autres. Depuis le début de la civilisation. Peut-être même avant. Peut-être depuis 10 000 ans, il y a l'humain et son interaction avec le reste de la nature et avec les autres animaux est malheureux pour les autres animaux et la nature. Mais avant ça, on était plus comme des animaux avec tout ce que ça sous-entend. C'est-à-dire il y avait une certaine dynamique et des limites dans ce qu'on pouvait faire dans notre écologie. Oui, parce que une chose qui a beaucoup changé, c'est que par exemple, durant la, ce qu'on appelle la préhistoire, le climat qui changeait faisait disparaître des espèces. Mais là, une espèce en fait disparaît d'autres. The disappearance of species. Now it's one species, a human species, that is causing mass extinction. Puis c'est fondamental. C'est la seule, probablement, espèce, je ne pense pas me tromper là, en disant ça, qui a détruit d'autres espèces. I don't think I'm making a mistake that has destroyed other species that is doing this ecological extinction. Parce que les autres chassent pour se nourrir, because d'autres animaux, hunt to, mais to feed themselves, they hunt other animals. Mais leur vie, de manière générale, ne conduit pas à l'extinction de masse des autres animaux. Et puis ça, c'est une critique qui est vraiment très insuffisamment faite par la gauche, même anarchiste. Puis on pourrait parler aussi justement, parce que critiquer la civilisation, critiquer le temps, l'agriculture, criticizing agriculture, civilization, time. La domestication, la technologie, la domination de manière générale, domination in a general fashion. Ça, puis non seulement la critiquer, mais aussi s'y opposer de façon à ce qu'on souhaite même leur abolition. Where we even are hoping for their abolition. Ça vous fait pas des amis, nécessairement. Est-ce que dans ce cadre-là, vous pourriez parler de vos conflits au niveau idéologique avec la gauche, particulièrement libertaire, parce que bon, on peut s'attendre à ce que vous n'êtes pas marxiste-léniniste parce que vous êtes contre l'État. D'ailleurs, on n'a pas parlé de l'État, c'est quand même curieux. And it's curious, we haven't even spoken about the state. This is a pretty fundamental divide. C'est une division assez fondamentale. I don't think, je ne pense pas que, je pense que très peu de personnes sont intéressées des chicanes sectaires. But here we have, mais ici on a, une fundamental disagreement. Un désaccord très fondamental. Anarchists of the left. Les anarchistes de la gauche. And I could, you know, might as well mention a few. Et on peut en mentionner Noam Chomsky, Cindy Milstein de Vermont. Are very, very hostile. Sont très hostiles. These questions. À ces questions-là. They ils sont. And I think you could say, et je dirais que fondamentalement, their goal, leur but, to self-manage, de essayer de faire l'autogestion, industrialized world, de faire l'autogestion du monde industriel, technosphere, la technosphère, as opposed to seeing that au lieu de voir ça comme le problème plutôt que la solution. Si tu penses que ça devrait disparaître, il n'y a aucun intérêt à faire de l'autogestion ou de le gérer de quelconque manière. Alors ça, c'est inévitable. Encore, on fait face à une crise qui présente ces choses à nous de manière avec beaucoup de force. C'est pas quelque chose qui a été créé le lendemain par Freddie Perlman ou Kevin Tucker, ou, Kevin Tucker ou moi ou d'autres personnes. Ça, c'est la réalité qui nous oppresse tous. Et moi, je pense que nous, on voit qu'il n'y a pas d'avenir à rester avec ces idées fondamentales d'autogestion, bien entendu, de toutes ces choses fondamentales qui sont toujours embrassées par la gauche. Même de façon très sérieuse, très, avec beaucoup de ferveur, sont toujours embrassés. Même moi, j'étais physiquement menacé pour avoir venu ici. Il y a une résistance désespérée de certains secteurs de ne pas parler de ces genres de questions. C'est dommage qu'il y a cette division. Mais c'est comme ça. Ouais, pourquoi est-ce que ces gens-là continuent à défendre l'industrie, l'usine, la technologie, selon vous? Industrialism, the workplace, technology, according to you. It's mystifying to me. C'est, ça me mystifie. C'est. I mean, it took me a long time. Je comprends pas. Ça m'a pris très longtemps. Très longtemps. J'ai 64 ans. Ça m'a pris longtemps. You know, be borne along by reality, d'être amené par la réalité. To become critical, de devenir critique, très critique, de ces différentes choses dont qu'elle en a soulevé. Mais moi, je ne comprends plus. In the face of face à cette réalité désastreuse qui nous instruit, si tu me demandes. C'est pas des théories qui sont qui dictent ça, c'est la réalité qui est très puissante dans tout ça. I confess, I just don't know why, j'avoue que je ne comprends pas comment ils peuvent garder leurs idées et rester avec ça, so badly, qui n'ont même pas bien marché et n'ont pas vraiment d'un avenir. Ouais. Et puis cette opposition-là s'est même exprimée à Montréal, comme vous l'avez un peu exprimé sur le fait que vous avez été menacé. Been brought up here in Montreal, the fact that you were menaced. On n'en parlera pas plus qu'il faut, parce qu'on ne veut pas donner nécessairement beaucoup de publicité aux gens qui vous ont menacé. When people feel quand des gens se they are losing, qui sont en train de perdre, in my opinion, dans mon opinion, this stuff is, ce genre de choses, ce genre de choses est en train de mourir. I mean, I think the left exists as a la gauche existe comme une espèce de véhicule de protestation, mais it pour really pas grande chose autre. Ça n'a pas été très inspirant depuis très longtemps. I would say the last time it was really la dernière fois que ça a été très vibrant, inspirant, before World War c'était peut-être avant la Première Guerre mondiale. Here we are in 2008. Et là, on est en 2008. People cling to it, et les gens, ils adhèrent toujours à cette gauche. And maybe part of, it can get a little, et peut-être une partie testy, de ça, c'est où ça devient un peu contentieux, même extrême. C'est parce que, exactement, ils savent que c'est en recul et que personne ne veut entendre de ces luttes-là. À un certain niveau, les gens comprennent qu'il y a une comment on dit failure, un échec monumental de cette gauche là et de ces projets. So it doesn't put them in a very good mood. Alors ça ne leur met pas dans une bonne humeur. They have a losing hand, I would say. Ils ont une main perdante. C'est quoi leur leur avenir? Left, meaning c'est quoi l'avenir pour cette gauche? Je dirais que c'est zéro. Oui, on peut seulement aussi sur la question de l'avenir de l'humanité, si l'humanité a un avenir. And I could say maybe just in passing, et je pourrais dire en passant aussi, I've had the good fortune, j'ai eu la bonne fortune très récemment to be in, for example, Brazil, d'être au Brésil, en Turquie et d'autres endroits. The anarchist movement in Turkey, le mouvement anarchiste en Turquie, pour être très spécifique, est très primitiviste. I didn't know that until I was there. Je ne savais pas que c'était comme ça avant que j'étais là en février. That's one example. Ça, c'est un exemple that the old traditional que cette vieille gauche, ces idées traditionnelles ont très peu d'intérêt maintenant en Turquie, en particulier avec les jeunes. Pour donner une définition courte, même si les gens auront peut-être compris vers là où on tend quand on est primitiviste comme vous, you know, where it's going, where the primitives like you. Qu'est-ce que veut dire primitivisme? What does primitivism mean? Maybe it means that peut-être there que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'avenir si elle n'est pas primitive. Unless we put an end to the industrializing cancer. Il faudrait alors mettre une fin au cancer de l'industrie industrielle avec ses formes totalisantes, standardisantes, ses pressions, avec sa mort aux cultures indigènes, avec toute cette direction qu'elle prend. whether or not we draw on, si on tire de la préhistoire, si on s'inspire de la préhistoire, certains s'inspirent de ça, certains ne s'inspirent pas de ça. I think more and more people have come mais de plus en plus, les personnes ont arrivé à la conclusion que la domestication et la civilisation sont à la racine de cette crise. We see what they produce, on voit qu'est-ce que ça produit. What c'est quoi la forme la plus complète de cette dynamique et de cette logique. Et on est obligé de le rejeter en faveur de quelque chose qui est qualitativement différent. Mais où sont les signes de rupture en ce moment avec la civilisation? Comment les gens s'organisent quand ils sont dans cette rupture? With civilization? How do people organize themselves when they want to do that? That's a very tough question. That's c'est une question très difficile. C'est le plus grand défi peut-être de tous les défis. How do we operate tactically and strategically? Comment est-ce qu'on opère tactiquement et stratégiquement dans la modernité, totally mass world, dans ce monde massifié, where what we want seems so very où ce qu'on veut semble être très loin de nous? I think one part of it, je pense qu'une partie de ça, juste en parlant personnellement, one part of it, une face, among many others, parmi plusieurs possibilités, c'est l'effort de faire cette critique, ce point de vue, ces questions, rentrer dans le dialogue public, devenir une partie du discours de la société. Si on peut commencer à que ça arrive, ça, à ce moment-là, on va voir, je pense, beaucoup plus d'ouverture de possibilités. But this has been blocked. Mais cela a été très bloqué avec beaucoup de succès jusqu'à date. And yet it grows, mais malgré ça, ça grandit. The interest in it, l'intérêt dans ça grandit en termes généraux parce que ce n'est pas. It's part of the. What comes from this reality that's bearing in on us, as I said before. C'est ça. C'est en opposition à cette réalité qui nous opprime maintenant. You know, there are other things that some people do. Il y a d'autres choses que les gens font. Even in illegal things. Même des choses illégales comme le Front de Libération de la Terre, the Earth Liberation Front. Some people will do that, and probably certaines personnes vont faire des choses comme ça, et peut-être plus de personnes vont faire des choses comme ça. People are trying to work out the practical experimentation. Il y a des personnes qui font aussi de l'expérimentation pratique sur la terre, in an anti-domestication direction, dans une direction anti-domestication, avec des choses comme la permaculture, Fukuoka method, or la méthode Fukuoka, which ou d'autres. Oui, c'est ça. But so there are all kinds of things that people can do, but yet I'm not trying to gloss over. Il y a toutes sortes de choses que les gens peuvent faire, mais je ne sais pas de juste passer vite à travers le problème de comment est énorme le défi. We don't know how much. On ne sait pas qu'est-ce que ça prendra to get to a place of radical. Pour arriver à une situation de rupture radicale. It might not ever happen. Peut-être que ça n'arrivera jamais. But it seems worth. Mais je pense que ça vaut l'effort. What choice do we have? Quel choix avons-nous? Oui, vous aurez compris aussi, même si on l'a pas nécessairement assez spécifié, qu'être anti-civilisationnel, être primitiviste, ça voulait dire aussi, même si on n'a pas abordé la question de l'État nécessairement, que ça veut dire aussi qu'on est contre l'État, qui est une autre forme de domestication, que la massification est aussi une domestication, la perte des individualités, la perte des communautés, ça on l'a quand même abordé un peu. Puis on aura compris aussi que c'est une critique. Non seulement une critique, mais aussi une volonté d'abolir le capitalisme parce que la capitalisation des richesses, etc. Abandon capital and capitalization of things. It's c'est impliqué, absolument. It définitivement. That. Ça implique ça, évidemment.